La bague de chanvre, écrit par Paul Féval. Chapitre 1er. Arrivée à Laval. J'étais à côté dans un coin de la voiture. Je ne souffrais pas beaucoup. Je me souvenais vaguement d'avoir été assommé par un coup de perche qui m'avait frappé derrière la tête. J'entendais et je voyais, mais d'une façon confuse. J'avais idée d'ordonner à Joson de mettre plus de respect dans ses manières à cause de Mademoiselle de Bois-le-Roi, et les paroles ne me venaient point. La première douleur que je distinguais parmi l'engourdissement qui me tenait, ce fut la révolte de mon estomac au moment où le gros homme trancha la croûte du pâté. Jusqu'alors, l'odeur d'un pâté ne m'avait jamais causé que d'agréables sensations. C'était la première fois que j'avais, comme on dit à Guidel, le cœur tourné. Le fumet des viandes hachées m'arracha un gémissement. « Vous souffrez davantage ?» demanda Hermine. « Voilà !» dit Monsieur de Pélédoux, dont les grosses narines hennissaient. « De quoi ressusciter un mort ? Monsieur l'équerre en aurait mangé un morceau avec bien du plaisir. Puisse son exemple servir de leçon à ceux qui ne se dérangent pas quand on tire derrière eux un coup d'espingole. Vous en faut-il une tranche, jeune homme ?» C'était à moi qu'il s'adressait. Comme je ne répondais pas, Joson dit « Si monsieur le chevalier n'en veut point, donnez-moi sa part. Ça ne sortira point de la maisonnée. » Hermine avait quitté sa place pour s'asseoir auprès de moi. Je sentis un parfum aigu et violent qui me montait au cerveau. Cela n'avait pas bonne odeur, mais j'en éprouvais un soulagement très vif et j'avoue que je songeais aux enchantements du livre de chevalerie dont mon oncle le Bihan usait les dernières pages à faire des capotes pour sa pipe. On ne connaissait chez nous ni les selles ni les flacons. Un instant, je fus gaillard au point de baiser la main qui tenait la fiole. J'eus mon châtiment, la main se retira. « Et vous, mademoiselle le Bois-le-Roi ? » demanda le gros homme. « En souhaitez-vous ? Je suis responsable de vous, et mon opinion est que vous devez reprendre des forces après une si chaude alerte. Si c'est la frayeur qui vous ôte l'appétit, rassurez-vous, le danger est passé. Et d'ailleurs, vous avez vu ce que peut mon tromblon quand on en connaît le secret. » La tête de Joson s'encadrait toujours à la portière. Voyant qu'on ne s'occupait point de lui, il résolut de céder lui-même. Sa grosse main pénétra dans le carrosse et tâtonna sur les genoux du bourgeois de Vitré qui se mit à crier « Au voleur !»« Je n'en ai pris que ma moitié, » dit Joson, qui retira sa main. « Avec ça, je n'ai pas besoin de votre pain blanc, qui est trop fade. Donnez à boire tout simplement si vous avez bon cœur. » Au lieu de se fâcher, le gros homme se mit à rire. Décidément, Joson Menou avait fait sa conquête. « Toi, Dieu vous bénisse, » dit-il, « tout plein pour un maigre. Si tu veux l'emploi de feu, monsieur l'équerre, je fais ta fortune, ou tout au moins je te donne sa défroque avec 12 éculents. »« C'est une écuellée que je veux, » répondit Joson la bouche pleine. « Je ne suis point dans le cas de me gager chez un bourgeois de campagne, puisque j'ai mon propre frère à Paris qui a des domestiques à le servir. » Comme Monsieur de Pélédoux atteignait une bouteille pour lui verser à boire, Joson la prit, fourra le goulot dans sa bouche et la rendit vide. Après quoi, en s'adressant à Mademoiselle de Bois-le-Roi, il lui dit « Guettez bien, monsieur le chevalier, jeunesse !» Je vas souper à mon aise, mais je laisserai cette viande-là pour avoir le vicaire de Guidel, sûr et vrai, car j'ai bravement l'envie de me confesser à poil dans le cas que les 4 galuches que je viens de harpailler m'accuseraient d'avoir un péché mortel au fond de ma pochette. » Et il s'en alla. Pendant une demi-heure, la réfection du gros tuteur me mit au martyre. Il marchait avec le bruit d'un ruminant, et son souffle asthmatique m'envoyait d'atroces odeurs de mangeaille et de vin. Hermine, mon bon ange, me présentait de temps en temps son flacon de sel. J'avais recouvré assez de sens pour juger que j'étais bien malade, mais cela ne m'inquiétait point autrement, et je me rêvais couché dans un lit d'auberge, avec Hermine pour gardienne à mon chevet. Il faisait une soirée chaude et claire. Il me semblait que j'aurais joui dans ce calme sans le souper de ce monstrueux bonhomme dont j'apercevais devant moi les profils éléphantins. À ma droite, je distinguais parfaitement le sourire angélique mais triste de ma voisine qui me guettait selon l'expression de mon page. Parfois, quand un rayon de lune venait argenter ses cheveux, je lui voyais l'auréole de nos belles de nuit bretonnes, ces vierges décédées sans avoir eu le temps d'aimer, qui reviennent, portées par la brise des soirs d'été, et qui espionnent, pudiques mais curieuses, le tête-à-tête des fiancés dans les bois. Au dehors, c'était pour moi une brume confuse, toute pleine de mouvements et de paroles. Les bonnes gens de Mimet étaient encore là et causaient de l'attaque. On parlait un peu du jeune monsieur de la Basse-Bretagne et de son valet aux grandes bottes, mais toute la gloire de la bataille était pour le Tromblon. J'entendais qu'on disait « À quoi que sert de mentir? C'est une tuette qu'a coûté le prix de 3 vaches et qui a dedans un secret caché. Elle a lancé 6 douzaines de balles et des clous et du verre pilé à travers le corps de monsieur l'équerre. Qu'aurait dû guetter à se ranger, vrai de vrai, que si tout le régiment de la lieutenance y avait été, n'en serait point resté un seul soudas. Et v'là la garde de notre maîtresse !» Ceci fut un grand cri. La voiture s'entoura du bruit des chevaux. Je vis des faux et des fourches. La voix de Joson Menou s'éleva, disant « Je n'ai point jamais vu un si vilain ramassis de gants ni de biques. Ça vous va-t-il un petit comme vous voulez, monsieur le chevalier ?» M'est avis que je trouverai toujours un monsieur, peut-être à Laval, pour mes besoins. Y a-t-il encore une lampée à boire ?» Le gros tuteur, dont la bienveillance à son égard était inépuisable, lui tendit le restant de la seconde bouteille, et, tout de suite après, il donna le signal du départ en ces termes. « Un quart de la garde en avant, un quart en arrière, un quart à gauche, un quart à droite. Le commandant est l'homme qui a éternué à la grand-messe. Et qu'on se fasse hacher pour moi si l'occasion s'en présente. » Ce fut alors que mon véritable supplice commença. Au moment où la chaise s'ébranla, tout mon corps ne fut qu'une douleur, et je crus que ma misérable tête allait se briser. Le premier chaos m'arracha un grand gémissement. Si j'avais pu parler, j'aurais demandé qu'on me déposât sur la route. Si j'avais pu bouger, j'aurais sauté dehors à tout hasard. Je me sentais mourir. Joson Menou chantait à pleine voix au-devant de nous la chanson des gars de Locminé. Et Monsieur Edou de Pélédou, ruminant son repas, disait « Mademoiselle de Bois-le-Roi, je vais faire un petit somme jusqu'à Laval. Si quelque nouveau danger se présente, éveillez-moi, je vous porterai secours immédiatement. » Je ne sais trop si je m'évanouis ou si je m'endormis. Quand je rouvris les yeux, le gros homme ronflait avec un fracas extraordinaire. Moi, j'avais versé de côté et ma tête reposait sur l'épaule d'Hermine. Mon premier regard rencontra son sourire doux et triste. Je voulus me relever. Elle me retint d'un léger effort et me dit « Vous êtes bien comme cela. » Puis elle ajouta « Souffrez-vous un peu moins ?» Je ne pus lui répondre que par un signe. Mais il paraît que mes yeux parlaient encore. Une nuance rosée lui monta aux joues. Elle me dit, comme si elle eût éprouvé le besoin de s'excuser. « J'ai cru que vous alliez mourir. » Mes lèvres firent effort pour lui rendre grâce. Elle y posa ses jolis doigts en murmurant « Dormez !» Je baisai sa main. Elle redevint pâle et répéta « Dormez, je veux que vous dormiez. » Ce fut bien malgré moi que j'obéis. Un nuage passa sur ma vue. Cette fois, je ne m'éveillais qu'à Laval, au moment où la chaise s'arrêtait. Monsieur Edou de Pélédou parlait d'une voix sévère, reprochant à sa pupille la position où il m'avait trouvée à son réveil. « C'est une chose indécente en soi et condamnable, disait-il, pour une demoiselle de maison, que de prêter son épaule à un jeune homme, même blessé et paralysé, comme ce bas breton me paraît l'être. Je ne blâme ni la charité ni la reconnaissance. Mais c'était déjà beaucoup que d'avoir mis ce polisson-là dans ma propre chaise. Vous m'objecterez qu'il est gentilhomme. Il faut une douzaine de gentilshommes passés plot hermel pour faire le quart d'un bourgeois de Vitré. » Au lieu de répondre, Hermine appela Joson, qui parlait chapeau bas à un prêtre de campagne devant la porte de l'auberge, au-dessus de laquelle un beau tableau représentait un oiseau blanc et une croix rouge, faisant à la fois cette demande et cette réponse. « Voyageur, où allez-vous boire, manger et dormir ?»« Au signe de la croix chez Soyer, qui n'a pas son pareil jusqu'à Paris. » Joson s'approcha. « Emportez votre chevalier. Dieu vous bénisse, mon garçon, » lui dit Monsieur de Pelédoux. « Je paierai la dépense d'auberge, ou tout au moins la chambre jusqu'à demain, et je veillerai près de lui, » ajouta Hermine. Joson me saisit comme un paquet, pendant que le bonhomme indigné protestait contre la résolution de sa nièce. « Ça ne va donc point toujours comme vous le voulez, monsieur le chevalier ?» me dit Joson, qui gagnait l'auberge au pas de course. « Demain, on vous saignera. Moi, je vais vite, crainte que monsieur prêtre ne s'en irait avant que j'aurais pu me confesser avec lui. Que je ne veux point m'endormir sans ça, sûr et vrai, j'en ai trop d'envie. »